trouble ma peine. Tu me trahis, tu redoubles ma peine. Ciel puni, une mortelle offense. Confus et soumis à sa loi, ton cœur approuve encore une juste vengeance et te condamne malgré toi. Périssons noblement, périssons noblement.